écoutez les matins éphémères et Première Loge et surveillez le signal tirage. Appelez et courez la chance de gagner 4 certificats cadeaux de 25$ du resto Mama Gritchies et des délices Tandoori, 4 certificats cadeaux de 50$ de tatouage celtique, 2 certificats cadeaux de 50$ du pied bleu et 4 certificats cadeaux de 10$ du resto L'Écoloc. C'est simple, appelez et gagnez! Bonsoir tout le monde, en fait, et bienvenue à cette émission consacrée à la musique progressive qui s'appelle Terra Incognita, et c'est jusqu'à minuit ce soir. Et vous êtes en compagnie de Bruno, à la mise en onde, et Jean-François et France, à l'animation et au choix musical, comme l'a dit Jacques juste avant. Et merci pour la belle présentation, Jacques. Ben oui, c'est gentil. Ben oui, puis aujourd'hui, ben on va parler un petit peu des dernières nouveautés qu'il y a eu dans les dernières semaines, derniers mois. Et ben il y a quelque chose que j'aime à jouer, je pense, on va d'ailleurs débuter avec ça, c'est Arion, le nouvel album qui s'appelle The Source, et j'ai même pas encore réussi à passer de Theater Equation, et puis je me rends compte que dans ma liste, je l'ai même pas, mais on va se reprendre à la prochaine émission, il va y avoir un extrait de l'album live, qui est aussi une sorte d'opéra rock, si on veut, avec tous les grands chanteurs là, qui collaborent avec Arlene Anthony Lucassen pour son projet Arion. Et Arion, avec The Source, c'est un disque qui paraît 4 ans après The Theory of Everything. Et il a travaillé différemment là-dessus, dans le sens qu'il a cherché une image qui l'inspirerait pour ce disque-là, alors que d'habitude, c'est l'inverse. Et ben, on va en entendre un extrait, mais on va entendre aussi Gunfly. Hein? Tu sais qui, Gunfly? Oui. Ben oui, c'est Richard Schoblum. Oui. Qu'on a vu l'automne dernier. Et ben, dans la même formule, tu vas nous parler plus tard d'un spectacle, mais oui. On ne vendra pas la mèche tout de suite. Non. Il y aura aussi une autre nouveauté qui est de Mosley Houghton. Oui. Oui, c'est à ton goût, celui-là. Et ben Mosley Houghton aussi n'a pas joué. Il y a eu la sortie aussi dernièrement de Roger Waters, mais ça, on en parlera plus dans le deuxième bloc. Donc, on commence tout de suite et on commence assez raide là, avec Arion. C'est la pièce Dédé, The World Break Down. Thank you. What have we done? Is this the end? When death descends. Sign!

Et c'est Gunfly, autrement dit, le groupe de Richard Schoblum. En fait, c'est lui qui compose tout, comme dans Beerfish. Et d'ailleurs, ça ressemble, pas tout le temps, là, mais il y a des moments là, qu'on reconnaît la griffe de Richard Schoblum. Ça aurait pu être du Beerfish par moment, mais il se permet plus de liberté. Et juste avant, c'était Arion, le nouvel album qui s'appelle De Source. Et on a entendu la pièce The Day That the World Breakdown. Et sur ce disque-là, ben, il y a encore toute une panoplie d'invités comme James Labrie, aussi. On a entendu Flor Jansen de Nightwish. Et ben, pour revenir à ce disque-là, c'est basé sur... en fait, c'est ce que je vous dis là, ça vient du magazine Progressiste numéro 88. Et il y a une entrevue avec Arjan Anthony Lucassen et il explique là-dedans qu'il était tombé amoureux de l'image de la fille sous l'eau. Et puis lui, il imaginait une civilisation qui vivait sous l'eau. Donc c'est basé aussi sur la théorie de l'ADN humain qui viendrait d'une autre planète. Et ça, scientifiquement, là, il y a des croyances là-dessus. L'ADN humain aurait été amené sur Terre par des météorites. Un petit peu flayé. Hein? Donc, hein? Un petit peu flayé, beaucoup. Mais Rian, c'est ça. Toujours joué un peu là, dans l'heroic fantasy et aussi dans la science-fiction. Et c'est un disque qui est plus élevé que le précédent. Moi, je le connais pas encore beaucoup parce que j'ai pris contact avec ce disque-là seulement hier soir. Et en fait, je ne l'ai même pas tout écouté. Je me suis contenté d'écouter un petit peu le début et en fait, cette pièce-là là, qui me plaît. Lucassen explique aussi qu'il y a des contacts réguliers avec Steven Wilson. Il y a déjà été question qu'il travaille avec lui, mais il disait ben, de toute façon, je suis pas un grand chanteur, puis le guitariste d'Arion, ben, il est meilleur que moi. Mais il dit le guitariste, ben, il dit c'est moi, Lucassen. Lucassen explique qu'il n'est pas capable d'organiser un opéra rock, donc il a été juste un participant pour The Theater Equation. En fait, il joue même pas sur ce disque-là. C'est ça qui est drôle, c'est sa musique, puis lui-même en joue même pas. Et on parle aussi des 25 ans de Final Experiment. Puis il explique qu'il voulait faire quelque chose de rock, de prog et de metal tout en même temps. Et il l'a présenté à plusieurs labels, mais tout le monde disait oui, c'est bien bon, mais c'est invendable. Et on voit par la suite que ça l'a lancé sa carrière, ça lui a donné une nouvelle visibilité. Pour lui, son meilleur album, c'est son album solo, Lost in the New Real, qu'on a déjà entendu sur les ondes de CKRL. Et pour ce qui est de Arion, c'est Into the Electric Castle. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est pas mal le disque que j'ai écouté le plus de lui. Un très bon disque, un disque double en plus. Pour ce qui est de lui, il y a un gros projet là, présentement sur lequel il travaille, ça s'appelle les Arion Universe et il s'attend de présenter des shows rock mais sur un horizon de peut-être un an et demi, deux ans et éventuellement ça sera offert en DVD, donc ça devrait être intéressant. Puis les trois ingrédients de la musique d'Arion, c'est des histoires avec des personnages forts, de nombreux chanteurs et un son bombastique, comme on le présente là, dans le magazine. Et aussi, dans la critique de l'album, dans le magazine, on dit que ça se passe avant son album qui date déjà de quelques années, là, le 0101-1001. Ben oui, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ben ouais. En tout cas, c'est une drôle d'idée d'appeler un disque comme ça. Puis j'ai jamais su qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça. Et on va y aller avec Mosley Houghton. Le disque s'appelle Sign of Day. On parlera des concerts dans le prochain bloc. Et on va entendre la pièce titre qui s'appelle aussi Sign of Day. C'est une pièce de 14 minutes et demie. Et il y a une nouveauté que Marc a déjà présentée il y a déjà deux ou trois semaines. C'est Is This the Life We Really Want de Roger Waters. Ça fait déjà un bon bout de temps, Roger Waters. Je pense que ça fait 25 ans qu'il n'a pas sorti d'album. Oui, c'est ça. Amused to Death, qui a été réédité il y a peut-être deux ans. Francine Delaire est sûrement très heureuse de l'apparition de ce disque-là. Mais honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Je dirais, On n'écoute pas ça pour se mettre de bonne humeur. Là. Non, du tout. Non, mais il y a quand même des bonnes choses, là, oui. Mais il reste que c'est le monde de Roger Waters. Hein, c'est toujours un peu sombre. Et ben, moi, je trouve ça un petit peu monocorde. Mais il y a quand même des bons moments là, sur ce disque-là. Et ce bloc se terminera avec Light Freedom Revival. Marc en a déjà parlé il y a peut-être deux semaines. Il y a toutes sortes de monde sur ce disque-là. C'est vraiment surprenant. C'est un gars de Vancouver. Et on retrouve à la batterie, à la basse, à la guitare et au clavier Billy Sherwood, qui est partout. L'omniprésent Billy Sherwood. Et il y a aussi Olivier Wakeman, qui n'est pas un inconnu. Hein? Ouais, oui. Ben oui, c'est le fils de l'autre. Et à la guitare, Eric Gillette, qui n'est pas un manchot, parce qu'il accompagne Neil Morse. Aux harmonies vocales, Marissa Franz, que je connais pas du tout. Donc, on passe tout de suite en musique avec Mosley Houghton et la pièce titre de l'album qui s'appelle Side of Day. Thank you.

Mais ça s'écoute quand même assez bien. Pour ce qui est de Roger Waters qui a précédé, Is This the Life We Really Want avec la pièce Picture That, par moments on reconnaît des petits moments de Pink Floyd, surtout de la période de Wall. Cette pièce-là sonne très bien. Celle-là était pour Francine. Ben oui, on dédie à Francine Dallaire qui adore Roger Waters. Elle y ferait pas mal, comme on dit. Non, ça. Eh bien, écoutez, moi, c'est pas mon Pink Floyd préféré. Moi, c'est David Gilmour. Ouais, c'est ça. Moi, c'est David Gilmour. C'est lui, mon idole. Mais il faut dire qu'il fait quand même un bon travail et ce disque-là devrait plaire quand même à beaucoup de monde. On avait débuté avec Mosley Houghton avec Sight of Day. Un beau retour. Pour Mosley Houghton, les derniers disques sont pas mauvais. Je pense qu'il y avait eu une période creuse un peu où moi, j'avais délaissé un petit peu le groupe là, qui nous avait beaucoup emballé dans les premières années. Je pense qu'il y avait eu comme un tournant pop là, où ce qui cherchait à percer le milieu, là, mais c'est pas nécessairement facile. Il y a eu des changements de personnel aussi, mais il y avait une très bonne chanteuse, comme nous l'a fait remarquer un auditeur qu'on salue, Daniel, et merci pour les commentaires. Et on pourra peut-être parler de concerts. Oui, un petit peu. Beaucoup qui ont été passés. Pour ceux-là qui ont participé au festival Terre Incognita, Michel nous avait concocté une très belle surprise. Ils nous ont mis un petit vidéo du groupe Unreal City qui nous présentait un spectacle qui va se tenir à Québec le 8 octobre à l'Antibar. Fait que pour ceux-là qui veulent avoir des informations, vous pouvez transmettre un message sur la page Facebook de Terra Incognita ou à l'adresse suivante Terra Incognita mag@commercialhotmail.com. Ensuite, la sortie de leur nouvel album est prévue pour le 10 septembre. Fait que j'ai l'impression que le concert va porter sur ce nouvel album. Ensuite, Jean-François parlait de David Gilmour. Pour les personnes qui sont pas au courant, le Cinéplex Odéon va diffuser le DVD live à Pompéi le 13 septembre. Petite publicité en passant. Ensuite, le 17 août, c'est Anathema à la salle multi. Le 25 août, Stickman à l'auditorium du Collège Garneau. Le 26 août, à Ken à la salle multi de Méduse. Le 9 septembre, Spock's Beer à la salle Jean-Paul Tardy. Et le dernier annoncé, ce matin, les billets sont en vente. Le 15 septembre, Mystery au sec. Le 13-14 octobre, Proc Story à la salle Jean-Paul Tardy. Pour ceux qui ont assisté au festival, Universe Effect nous ont joué un très bon cover de Genesis. Ensuite, le 21 octobre, c'est Pentragon à la salle Jean-Paul Tardy. Bon. C'est tout. C'est tout pour l'instant. Oui. Et il y a eu un nouveau magazine, Terra Incognita, qui est paru pour le festival, qui est arrivé juste à temps. Je ne l'ai pas entre les mains, mais Marc en a parlé abondamment lors de l'émission qui a suivi le festival. Et il a fait toute une heure sur ce magazine-là, avec des artistes dont on parle dans le magazine. Donc, si on veut avoir des informations, c'est à la même adresse, Terra Incognita Mag, @hotmail.com. Et pour poursuivre en musique, on va entendre une pièce de Baroque Project, d'un disque qui s'appelle Vivo Live in Concert. Et c'est très bon. C'est une forme de compilation, si on veut, mais c'est en spectacle et c'est très, très sophistiqué. C'est très bien fait. Et on va entendre la pièce False Epilogue. Et moi, je trouve, en tout cas, ça paraît encore plus sur ce disque-là. Ça sonne un petit peu comme du Queen, mais du Queen complexe. Là. Quoique Queen, lors des disques comme A Night at the Opera, l'était quand même pas mal. Et c'est côté vocal là, que moi, je trouve qu'il y a le plus de ressemblance, mais aussi dans les arrangements. Et ce sera suivi de Lucas Kerani, qu'on a eu l'occasion d'entendre. En fait, on l'a, je dirais pas découvert, parce qu'on savait qu'il travaillait avec Fabio Zuffanti sur des disques, entre autres, comme Symphonie numéro 1, Cupid and Psyche. Mais donc c'est comme si on le voyait pas. Et il faut dire que c'est un monsieur qui fait un petit peu modeste, mais qui est très bon dans les arrangements orchestrales. Et d'ailleurs, dans le concert de Haute Sonatine, on a eu l'occasion de se rendre compte que ce monsieur-là a énormément de génie. Et ben il y a un album qui est très bon qui s'appelle Everybody's Waiting, qu'on a pu se procurer lors du festival. Et on va en entendre un extrait. Et finalement, ce bloc se terminera avec Cosmographe, dont le magazine progressiste dit beaucoup de bien. Et d'ailleurs, ça se trouve sur la compilation qui vient avec le magazine. Mais c'est un extrait de leur album qui s'appelle The Unreasonable... Silence. Et la pièce qu'on entend, c'est « This film may change your life ». Et donc, on y va en musique avec Baroque Project. yesterday at 6 p.m., just when I was about to leave the workshop, I heard a very strange buzzing sound outside. I went out to see what it was about. When I looked in the direction of where the sound came from, I saw a long and very thin shadow with a gray color. After a while of not moving, it started walking towards the light. It was at that moment that I got very scared because I could see very clearly that it was not a normal person. We'll be right back. 89.1. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. On a le pouvoir de s'aimer! Le Festival d'été de Québec. 11 jours de musique pour 95$. Avec Kendrick Lamar, Muse, Gorillaz, Lady Antebellum et plusieurs autres. Du 6 au 16 juillet, célébrons 50 ans d'émotion. Laissez passer en vente au infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. Du 12 au 22 juin, CKRL fera deux chansons par jour. Écoutez les matins éphémères et premières loges et surveillez le signal tirage. Appelez et courez la chance de gagner 4 certificats cadeaux de 25$ du resto Mama Grey Cheese et des délices Tandoori, 4 certificats cadeaux de 50$ de tatouage celtique, 2 certificats cadeaux de 50$ du pied bleu et 4 certificats cadeaux de 10$ du resto L'Écoloc. C'est simple, appelez et gagnez! C'était Cosmographe qui a terminé le bloc, précédé de Luca Scherani et de Baroque Project. Je vous rappelle que la liste sera disponible dans le courant de l'avant-midi demain. Et toute la liste des pièces qui ont joué avec les titres et tout. Et le podcast, lui, sera disponible sur le site de CKRL immédiatement après la fin de l'émission. Et on poursuit avec le groupe américain TCP. L'album qui s'appelle Temporal Chaos, ça fait déjà un petit bout de temps que l'album est sorti, mais on n'en a jamais fait jouer. Et on va entendre la pièce Torn Apart Thousand Spark, et ensuite on entendra Nat Sylvan du très bon album The Bride Said No. Et on reste toujours un petit peu dans le même thème, hein, avec la veuve de son disque précédent, et là maintenant c'est le marié qui dit non. Et on poursuivra avec Il Tempio de l'Ecclésiteré, de leur très bon album qui vient de paraître, Il Ludere. Donc on y va tout de suite en musique avec TCP. is the moment of ultimate bliss. Grief is a place that you shall reminisce. Such are the rules that you don't get to choose. Consequence will never settle for truth. Armed with intentions that rise with a tide, unwittingly choosing a pivotal side. The sea of tomorrow lands bound to run dry. So what have you done to yourself that you hide? So what have you done? So what have you found? What is your goal? Where is your soul? What do you want? Where will you stop?

pulsante alter codel duo pseudio. Che borsaggine, che farraggine, che glagolitico interno. Ah, oh, druido infusorio ed esiziale. Corruscami, artami, coartami, spicileggio nefasto. C'est déjà tout pour nous ce soir et c'était l'émission Terra Incognita qui se termine sur Hawkwind. On dirait du vieux Hawkwind, mais pourtant ça vient de paraître, ça s'appelle Into the Woods et c'est la pièce titre. Restez à l'écoute pour l'émission L'autoroute avec Stéphane Villeneuve et merci d'avoir été là. Bonne.